voici l'enfant prodigue, ses papillons à la main. Grelottant dans le froid et le givre, il fait face à son destin. Accroupi entre deux voitures, les pieds dans la boue du caniveau, le petit soldat de la préfecture, entre ses doigts serre son stylo. Regardez-les, regardez-les, ceux de Bagram et de Grenelle. Regardez-les, regardez-les, ces héros silencieux et fiers. Regardez-les, regardez-les, leurs sifflets chantant la victoire. Ange de fer, le contractuel va vers la gloire. Des blousons noirs voulant faire un sale coup au képi bleu, dans l'ombre d'une porte cochère, ils ont coincé le malheureux. Alors lui, rayonnant et sublime, il s'écrie la main sur le cœur. Non, vous n'aurez jamais ma pèlerine, mon tabac et mon quatre heures. Regardez-les, regardez-les, ceux de Bagram et de Grenelle. Héros silencieux et fiers. Regardez-les, regardez-les, leur sifflet chantant la victoire. Ange de fer, le contractuel va vers la gloire. Regardez-les, regardez-les, ceux de Bagram et de Grenelle. Regardez-les, regardez-les, ces héros silencieux et fiers. Regardez-les, regardez-les, leur sifflet chantant la vie.